Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen-Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Nous pensons que ce ne sera pas sans plaisir que le lecteur trouvera ici le portrait qui nous a été laissé du glorieux petit pauvre du Christ. Nous extrayons de Monsieur Chavin de Malan celui que nous présentons ici. François était de petite taille, il avait la tête ronde, le visage un peu allongé, le front petit et uni, les yeux de médiocre grandeur, noirs et modestes, les cheveux bruns, les sourcils droits, le nez droit et fin, les oreilles petites et élevées, les tempes aplaties, la langue aiguë et ardente, la voix véhémente, douce et sonore, les dents serrées, blanches, égales, les lèvres fines et minces, la barbe noire et rare, le cou grêle, les épaules droites, les bras courts, les mains petites, les doigts effilés et les ongles longs, la jambe maigre, le pied petit, tout le corps d'une excessive maigreur. Nous avons vu, à la basilique patriarcale d'Assise, à Notre-Dame des Anges et à Subiaco, dans un petit oratoire, les trois plus anciens portraits qui nous restent de saint François, et nous avons retrouvé, dans chacun, les principaux traits de la description que nous venons de reproduire. Chapitre 10. Comment frère Massé dit un jour à saint François, sur le ton de la plaisanterie, qu'il entraînait tout le monde à sa suite, et comment le saint lui répondit que c'était pour la confusion du monde et par la grâce de Dieu. Saint François demeura quelque temps au couvent de la Portioncule avec frère Massé de Marignan, homme d'une grande sainteté, plein de sagesse et d'onction quand il parlait de Dieu, et qu'il affectionnait particulièrement à cause de ses précieuses qualités. Un jour qu'il sortait du bois où il venait de faire oraison, frère Massé, voulant mettre son humilité à l'épreuve, alla à sa rencontre et lui dit sur le ton de la plaisanterie, « Pourquoi donc vers vous ? Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Que, voulez-vous, mon frère ? » demanda saint François. « Je voudrais savoir, répondit frère Massé, pourquoi vous entraînez tout le monde à votre suite ? Pourquoi chacun souhaite vous voir, vous entendre et vous obéir ? Car enfin votre extérieur n'a rien de remarquable. Votre savoir est très ordinaire et vous n'êtes pas noble. Expliquez-moi donc d'où vient cet empressement avec lequel on court vers vous. » Ces paroles remplirent le cœur du saint d'une grande joie. Il leva les yeux au ciel et demeura longtemps dans cette attitude, l'esprit uni à Dieu. Puis, rentrant en lui-même, il s'agenouilla, rendit louange et remerciement à la bonté divine, et se tournant vers frère Massé, il lui dit, « Vous voulez savoir pourquoi je vois tout le monde se presser sur mes pas ? Cette faveur, je la tiens du Très-Haut, de celui dont les regards tombent sur les bons comme sur les méchants. Ses yeux très saints n'ont point rencontré, parmi les pécheurs, de créatures plus viles ni plus criminelles que moi. Ils n'ont pu trouver sur la terre, pour opérer l'œuvre merveilleuse qu'ils se proposent, de créatures plus méprisables. Et c'est pourquoi il m'a choisi pour confondre la noblesse, la grandeur, la beauté et la sagesse du monde. Il a voulu que chacun reconnût que toute vertu et tout bien viennent de lui. Il veut que quiconque se glorifie, cherche sa gloire dans le Seigneur, à qui soit honneur et louange dans l'éternité. » À cette réponse si pleine d'humilité et de ferveur, frère Massé, rempli d'admiration, reconnut avec évidence que saint François était solidement fondé dans la vertu d'humilité. Chapitre 11. Comment saint François fit tourner frère Massé, et comment il prit ensuite la route de Sienne. Un jour que saint François faisait route avec frère Massé, ce frère, qui le précédait de quelques pas, étant arrivé à un endroit où le chemin se partageait en trois branches, dont l'une se dirigeait vers Florence, une autre vers Sienne et la troisième vers Arezzo, se retourna vers le saint et lui dit « Père, quelle route prendrons-nous ? Celle que Dieu voudra, répondit saint François. Mais comment pourrons-nous connaître sa volonté ? Reprit frère Massé. De la manière que je vais vous indiquer, dit le saint, je vous ordonne, par le mérite de la sainte obéissance, de vous arrêter ici, de tourner sur vous-même et de ne vous reposer que quand je vous en avertirai. » Frère Massé obéit aussitôt et se mit à tourner, se sentant bientôt ébloui, comme il arrive en pareil exercice, il tomba plusieurs fois à terre, mais comme saint François ne lui disait pas d'arrêter, et qu'il voulait obéir ponctuellement, il se relevait et recommençait à tourner. Enfin, au moment où il tournait avec le plus de rapidité, arrêté, lui dit le saint, et le frère cessa de tourner. Vers quel chemin vous trouvez-vous ? Demanda saint François. Vers celui de Sienne, répondit frère Massé. Eh bien, reprit saint François, voilà la route que Dieu veut que nous prenions, et ils s'y dirigèrent. Cependant frère Massé ne comprenait rien à la conduite du saint, il ne concevait pas pourquoi il l'avait fait tourner ainsi, en l'exposant aux railleries des passants, et, toutefois, il n'osait lui faire aucune observation. Quand ils furent près de Sienne, les habitants de la ville, informés de l'arrivée de saint François, s'empressèrent de venir à sa rencontre, et, par respect pour lui et pour son compagnon, ils voulurent les porter jusqu'à l'évêché sans leur permettre de marcher. Des hommes se battaient au moment où ils entraient dans la ville, déjà même deux d'entre eux avaient succombé dans la lutte. Saint François alla les trouver, et il leur parla avec tant de zèle et de ferveur qu'il les décida à faire la paix et à rentrer dans l'union et la concorde. Instruit de cette réconciliation que l'on devait au saint, l'évêque le pria de descendre chez lui, et le reçut ce jour-là et la nuit suivante avec les plus grands honneurs. Mais le lendemain, dès le matin, saint François, qui était animé d'une véritable humilité, et qui, dans toutes ses actions, ne cherchait que la gloire de Dieu, se leva de bonne heure et partit avec son compagnon sans avertir l'évêque. Frère Massé murmurait d'un tel procédé, et il se disait tout en poursuivant sa route, « Que signifie donc la conduite de ce bonhomme ? Il m'a fait tourner comme un enfant, et puis, quand l'évêque l'a comblé d'honneur, voilà qu'il le quitte sans lui dire un mot, sans le remercier, et il semblait au frère que le saint s'était conduit d'une étrange manière. Mais ensuite, réfléchissant en lui-même, et touché par une inspiration divine, il se reprocha le jugement qu'il avait porté. « Tu n'es qu'un orgueilleux, se dit-il, est-ce à toi qu'il appartient de juger les œuvres de Dieu ? Tu mérites l'enfer pour ta témérité et ta présomption. Vois donc, hier encore, frère François faisait des prodiges si étonnants, qu'un ange de Dieu même ne pourrait en opérer de plus merveilleux. Oui, tu dois toujours lui obéir, alors même qu'il te commanderait les choses les plus extraordinaires. Le doigt de Dieu paraît manifestement dans tout ce qu'il a fait pendant ce voyage. Le résultat ne permet pas d'en douter, car enfin, s'il n'avait pas rétabli la concorde parmi ceux qui se battaient hier, non seulement les corps de plusieurs d'entre eux auraient succombé sous le poignard, comme il y en avait déjà deux, mais leurs âmes auraient été traînées par le démon au fond des enfers. Tu n'es donc qu'un insensé et un orgueilleux de murmurer contre une conduite si évidemment inspirée de Dieu. Ces pensées qui occupaient l'esprit de frère Massé pendant sa route furent révélées à saint François, il s'approcha de lui et lui dit « Entretenez les sentiments qui vous occupent maintenant, ils sont bons et utiles, et ils viennent de Dieu, Mais le murmure que vous nourrissiez auparavant était vain et superbe, et c'était le démon lui-même qui vous l'avait inspiré. Alors frère Massé vit clairement que saint François connaissait les secrets de son cœur, et il comprit qu'il était dirigé dans toutes ses actions par l'esprit de la divine sagesse. Chapitre 12. Comment saint François chargea frère Massé de la porte, de la cuisine et des aumônes, et comment ensuite, à la prière des autres frères, il le déchargea de ses emplois. Saint François se plaisait à exercer l'humilité de frère Massé, afin que les dons et les grâces dont il était comblé ne devinssent pas pour lui une occasion de vaine gloire, mais bien un moyen d'avancer de vertu en vertu. Un jour qu'il se trouvait dans un lieu solitaire avec ses cinq compagnons, il lui dit en présence des autres frères, « Frère Massé, ceux-ci ont reçu le don de la contemplation et de la prière, et vous, vous possédez celui de la prédication pour l'édification des peuples. C'est pourquoi, afin que vos frères puissent vaquer plus librement à leur sainte méditation, il est juste que vous, qui paraissait plus propre à la vie active, vous ayez soin de la porte et de la cuisine, et le temps qui pourra vous rester, vous l'employerez à la quête. Prenez bien garde surtout que les gens du monde qui viendront ne troublent point le repos de vos frères, contentez-les de quelques bonnes paroles de Dieu, et que les autres ne soient point obligés de paraître. Allez et faites tout pour le mérite de la sainte obéissance. » Frère Massé baissa la tête, et tirant son capuchon, se soumit à l'ordre de son supérieur. Pendant plusieurs jours, il s'acquitta fidèlement de ce qu'on lui avait prescrit. Cependant ses compagnons, qui connaissaient sa vertu et son amour pour l'oraison, et qui le voyaient porter seul toutes les charges du couvent, sentirent au fond de leur cœur un reproche secret. Ils se concertèrent donc et allèrent trouver leur père commun, le priant de partager le travail entre tous, et lui déclarant qu'il ne pouvait consentir à ce que frère Massé supportât seul tant de fatigue. Saint François se rendit à leur demande, il fit venir frère Massé et lui dit, « Frère, vos compagnons demandent leur part des emplois, j'y consens, et je veux que désormais ils soient partagés. Père, répondit frère Massé, je regarde comme venant de Dieu tout ce que vous m'avez imposé. Le saint eut une grande joie dans son cœur en voyant dans ses compagnons une charité si vive et une humilité si profonde. Il profita de cette occasion pour leur faire une merveilleuse instruction sur ces très saintes vertus, leur enseignant que notre humilité doit s'accroître en proportion des biens et des grâces dont nous sommes comblés, parce que, sans cette vertu, aucune autre n'est agréable à Dieu. » Puis, cette exhortation terminée, il distribua les emplois avec une grande charité. Chapitre 13. Comment saint François et frère Massé posèrent sur une pierre, près d'une fontaine, le pain qu'ils avaient mendié, comment saint François fit un grand éloge de la pauvreté, comment, ensuite, il pria Dieu, saint Pierre et saint Paul de lui faire aimer cette vertu, comment, enfin, les deux saints apôtres lui apparurent. Pour se conformer exactement et en toute chose au Christ qui, comme le rapporte l'Évangile, envoyait ses disciples, deux par deux, dans les villes et les bourgades où il devait aller, l'admirable serviteur et disciple du Sauveur, saint François, après avoir, lui aussi, choisi ses 12 compagnons, les envoya deux à deux prêcher par le monde. Pour leur donner l'exemple d'une véritable obéissance, il commença par agir le premier, semblable encore en cela au Christ, qui voulut pratiquer lui-même avant que d'enseigner. Ayant donc assigné à ses disciples les différentes parties du monde où il devait porter la parole de Dieu, lui-même prit frère Massé pour compagnon et se dirigea vers la France. Un jour que les deux frères étaient arrivés dans une ville, pressés par la faim, ils allèrent, suivant leurs règles, mendier leur pain, pour l'amour de Dieu, chacun de leur côté. Saint François, qui était d'un extérieur peu avantageux, et qui était regardé comme un misérable mendiant par ceux qui ne le connaissaient pas, ne put recueillir que quelques petits morceaux de pain. Mes frères Massé, qui étaient grands et beaux, reçut des morceaux en abondance, des morceaux considérables et même des pains tout entiers. Quand ils eurent amassé leurs provisions, ils se rejoignirent hors de la ville pour prendre leur repas dans un endroit où il y avait une fontaine limpide. Et, tout près, une belle et large pierre sur laquelle tous deux posèrent le pain qu'ils avaient reçu en aumône. Saint François, voyant que les morceaux de frère Massé étaient en plus grand nombre, mieux choisi et plus considérable que les siens, en ressentit une grande joie et dit, ô frère Massé, nous sommes indignes de posséder un si précieux trésor. Et comme il répétait ces paroles, frère Massé répondit, Père, comment donc trouvez-vous un si grand trésor là où tout est pauvreté, et où l'on manque de tout? Nous n'avons ni table, ni couteau, ni plat, ni assiette, ni maison, ni valet, ni servante, et vous nous trouvez riches? C'est en cela même que je vois un trésor, reprit le saint, ici, l'industrie humaine n'a aucune part, tout ce que nous possédons, c'est de la providence que nous le tenons, voyez ce pain que nous avons mendié, cette belle pierre qui nous sert de table et cette fontaine limpide, je veux donc que nous prions Dieu de nous faire aimer de tout notre cœur le trésor de la sainte pauvreté, ce trésor si noble, ce trésor qui a Dieu lui-même pour gardien. Alors tous deux se mirent en prière, puis, ayant pris leur repas de leurs morceaux de pain et de l'eau de la fontaine, ils se levèrent pour reprendre leur route vers la France. Étant arrivés près d'une église, Saint François proposa d'y passer quelque temps en prière, et allant aussitôt se placer derrière l'autel, il se mit en oraison. En ce moment, Dieu daigna le visiter, il le remplit d'une si grande ferveur et l'enflamma d'un amour si ardent pour la sainte pauvreté, qu'à l'éclat de sa figure et au frémissement de ses lèvres, il semblait qu'il jetât des flammes d'amour. Ainsi embrasé, Saint François vient trouver son compagnon et s'écrie, « Ah, frère Massé, livre-toi tout entier à moi !» Il parla ainsi trois fois, à la troisième fois, il souffla sur frère Massé, et celui-ci se sentit ravi et alla tomber devant le saint à la distance d'une longue lance. Frère Massé était dans la stupeur. Plus tard, il disait à ses compagnons que, dans ce ravissement, l'Esprit Saint avait inondé son âme d'une si grande abondance de joie et de consolation, que jamais il ne s'était trouvé si heureux. Saint François lui dit ensuite, « Allons maintenant à Saint-Pierre et à Saint-Paul, prions-les de nous faire comprendre combien est précieux le trésor incomparable de la très sainte pauvreté et de nous aider à l'acquérir. Oui, c'est un trésor si divin, que des vases aussi méprisables que nous sont indignes de le posséder, c'est la céleste vertu par laquelle toutes les choses terrestres et passagères sont foulées aux pieds, par laquelle l'âme, délivrée de tout embarras, peut librement s'unir au Dieu éternel, c'est la vertu qui lui donne, lorsqu'elle est encore fixée sur la terre, le privilège de converser déjà dans les cieux avec les anges. C'est la vertu qui a suivi Jésus-Christ partout, sur la croix, dans son tombeau, dans sa résurrection et jusque dans son ascension vers les cieux, c'est la vertu, enfin, qui, dès cette vie même, procure à ceux qui la chérissent la facilité de s'envoler au ciel, oui. Car c'est en elle que se trouvent les armes de la véritable humilité et de la charité. Prions donc les 13 saints apôtres du Christ, ces parfaits amateurs de cette perle évangélique, prions-les de demander pour nous à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il daigne, en sa très sainte miséricorde, nous accorder la grâce d'être nous-mêmes les zélés observateurs et les humbles disciples de la très précieuse et très aimable pauvreté évangélique. Ce fut dans ces pieux entretiens que saint François et son compagnon arrivèrent à Rome et qu'ils entrèrent dans l'église de Saint-Pierre. Le saint alla s'y mettre en prière d'un côté et frère Massé de l'autre. Au moment où saint François priait ainsi, baigné de larmes et rempli de ferveur, tout à coup, les très saints apôtres Pierre et Paul lui apparurent brillants de splendeur et lui dirent: tu demandes et tu désires pratiquer ce que le Christ et les saints apôtres ont eux-mêmes observé. Eh bien, voici que le Seigneur nous envoie t'annoncer que ta prière est exaucée. Il t'accorde dans toute sa plénitude, à toi et à ceux qui te suivront, le trésor de la très sainte pauvreté. Nous t'annonçons aussi, de la part de Dieu, que quiconque, à ton exemple, observera parfaitement cette vertu, peut avoir la certitude de son bonheur éternel. Et puis, voici que la bénédiction divine va se répandre sur toi et sur tes disciples. À ces paroles, les saints apôtres disparurent et laissèrent saint François inondé de consolation. Alors il se releva, alla trouver son compagnon et lui demanda s'il avait reçu de Dieu quelque révélation. Et, sur la réponse que lui fit frère Massé qu'il n'en avait eu aucune, il lui raconta toutes les circonstances de l'apparition des apôtres, et tous deux, remplis de joie d'une telle faveur, se déterminèrent à retourner dans la vallée de Spoléta et renoncèrent à leur projet de voyager en France. Markendan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bray 1859 et Bray et Reto 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.